Ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjona. De Transjona. De Transjona. On nous terrorise pour nous mettre les uns contre les autres. Français contre étrangers. Immigrés réguliers contre irréguliers. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à émigrer en quête de conditions de vie moins odieuses. On nous terrorise en obligeant nombre d'entre nous à la clandestinité. Avec les flics sur le dos et la peur des expulsions, l'État et les patrons poussent des milliers d'individus dans l'ombre, en les rendant encore plus dociles à l'exploitation. On nous terrorise avec le chantage du travail salarié. Soit tu te vends à un patron, soit tu crèves de faim. On nous terrorise avec l'image de l'étranger, barbare et intégriste, pour nous faire accepter plus de restrictions, plus de contrôle, plus de précarité. Ou bien pour nous faire aimer une identité nationale, fausse et vide. Si le capitalisme ne respecte pas de frontières, pourquoi les exploiter devraient-ils le faire? On nous terrorise avec les flics dans les quartiers, avec des rafles policières. La criminalité, c'est le prétexte. Le véritable objectif, c'est de faire baisser la tête à tous. On nous terrorise avec la prison, les expulsions, les camps de rétention. Plus les pauvres se haïssent, plus les riches s'engraissent. On nous terrorise en nous faisant croire que les terroristes sont ceux qui luttent contre l'État et les patrons, et non pas ceux qui bombardent des populations entières, colonisent les territoires en rasant les maisons avec les bulldozers. Il est temps que la peur change de camp. Il est temps que de la haine entre les races, on passe à la solidarité de classe, à la guerre des exploités contre les exploiteurs. Il est temps de se lever et de se mettre en marche. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Transjona. De Transjona. De Transjona. De Transjona. Bonsoir, vous êtes bien sûr, comme tous les mercredis soirs, chez Tranche d'Anar sur Radio Air Libre, une émission anarchiste, voilà, 20h30, 22h. Ce soir, c'est Serge et moi qui sont au studio. Déjà, je suis très content d'être au studio, franchement, en plus de revoir Serge parce que ça faisait quand même un long temps. Voilà. Et ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On a été à deux actions de solidarité. La première, donc c'était cet après-midi, la première c'était devant l'ambassade d'Italie, en solidarité avec Mimmo Lucano, qui était maire dans une ville, dans un village en Calabrie, et qui a beaucoup aidé des migrants. Il a été accusé de plein de choses. Il a été condamné à 13 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Donc c'est absolument du n'importe quoi. Bon, voilà, on va vous faire écouter un reportage qui a été fait par Nicole, en fait. Et puis, nous allons parler aussi de l'action de protestation qu'on a eue à 18h devant l'ambassade de Grèce, en commémoration avec Zakaria Kostopoulos, qui était un queer grec, un militant, un antifasciste aussi, un drag queen, qui a été lynché il y a 3 ans, en septembre 2018, à Athènes, il y a plein de gens qui ont vu ce qui s'est passé. Et tout ça se déroule, c'était 2 commerçants et 8 policiers qui l'ont tabassé. 4 des policiers n'ont même pas été inculpés. Et on va vous raconter tout ça tout à l'heure. Et puis, pour ce soir, pour la musique, ce sera Georges Brassens, puisqu'il le faut. Vendredi prochain, il aurait eu 100 ans. Voilà, il est né le 22 octobre 1921 à 7. Donc, Georges Brassens, que vous connaissez évidemment, a été actif dans le mouvement anarchiste autour du monde libertaire ou des libertaires, notamment. Et a soutenu beaucoup la Fédération anarchiste Radio Libertaire et autres initiatives. Nous allons commencer avec le son de le reportage de l'action devant l'ambassade d'Italie. Ça s'est passé entre 17 et 18 heures aujourd'hui. Si vous voulez à vous rapprocher un petit peu comme vous voulez, bienvenue pour ce rassemblement qui est organisé par Agir pour la paix et par Solidarity is not a crime. Et je vous propose tout de suite d'accueillir Stéphanie d'Agir pour la paix qui va vous contextualiser les raisons de cette action aujourd'hui. Et on peut l'applaudir. Hein. C'est mieux d'attendre la fin du texte. Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. Nous avons décidé de ce rassemblement afin de faire savoir haut et fort que nous sommes solidaires avec Mimmo Domenico Lucano, cet ancien maire de Riace, un village de Calabre, entre 2004 et 2018, qui avait transformé son village en havre de paix pour les personnes en migration. Mais faire preuve d'empathie, de solidarité et d'accueil l'a mené droit à la case tribunal, accusé de délits divers, mais surtout d'aide à l'immigration clandestine. Son procès s'est récemment achevé par une condamnation à une peine de 13 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Décision d'ailleurs, soit dit en passant, qui représente le double de celle requise par le procureur à la base. Dans cette Europe, politique migratoire rime inexorablement avec répression. Répression des personnes qui apportent leur aide aux personnes en migration. Ici, on pense évidemment aussi au procès des hébergeurs et des hébergeuses, à celui dit des quatre de la Roya, à la frontière entre la France et l'Italie, à celles et ceux qui pratiquent le sauvetage en mer ou l'aide directe aux frontières. La liste est malheureusement extrêmement longue. Mais encore plus longue et beaucoup moins visible est la liste des personnes en migration criminalisées tous les jours, dans une indifférence presque générale. Vous connaissez l'histoire des trois de Eleli Blue numéro 1 ? Eleli Blue numéro 1, vous connaissez ? Sans doute pas. Hein. Et pourtant. En mars 2019, un navire marchand qui s'appelle donc Eleli Blue 1 sauve 108 personnes en Méditerranée centrale. 108 personnes qui fuient la Libye. Mais au lieu de les amener vers un port sûr, comme le droit international l'exige, le navire marchand, sous la pression des autorités, fait marche arrière et va vers la Libye, et ramène les 108 personnes vers la Libye. C'est panique à bord, cris, pleurs, c'est vraiment la panique à bord de ce bateau. Et la panique est telle que finalement, le capitaine du bateau va décider de changer d'avis et de ramener ces gens vers Malte. Ils pourront finalement, les 108 personnes pourront débarquer à Malte. Sauf qu'arrivés à Malte, trois d'entre eux vont être, qui sont encore adolescents, ils sont encore mineurs, ils vont être arrêtés et accusés de détournement du navire, c'est-à-dire c'est l'équivalent de terrorisme. Et donc ces jeunes gens, ces jeunes personnes, qui nient absolument tout acte de violence, absolument, le capitaine aussi d'ailleurs, nie tout acte de violence, il dit, elles ont paniqué, c'est tout, je comprends. Et ces trois personnes, donc, dont un est toujours mineur à l'heure actuelle, sont toujours en procès qui est en cours depuis presque 2 ans maintenant et dont on a peur d'entendre le jugement. Je peux aussi vous parler de l'histoire de ces 6 jeunes Afghans qui ont été condamnés pour l'incendie volontaire du camp de Moria. Vous vous souvenez, le camp de Moria ? Donc 4 d'entre eux ont été condamnés à 10 ans de prison et les 2 autres, encore mineurs, à 5 ans de prison. Alors que le seul témoin qui les accuse a refusé de se présenter au procès. Et puis, il y a l'histoire de Mohamed aussi, un Somalien de 28 ans, qui a été condamné à 142 ans de prison pour avoir conduit un bateau et sauvé les 32 personnes avec qui il se trouvait sur ce bateau vers la Grèce, alors que les passeurs les avaient abandonnés. 142 ans de prison. Ces criminalisations sont bien le fruit de ces politiques européennes racistes qui utilisent la peur. Ces politiques que nous dénonçons dans leur ensemble aujourd'hui. Alors nous allons aller remettre une lettre aux autorités italiennes via l'ambassade. Lettre rédigée par la campagne Abolish Frontex et soutenue par tout un tas d'associations. Plus de 170 associations l'ont signée. Plus de 700 personnes l'ont signée individuellement également. et ceci dans toute l'Europe. Voilà. Merci de votre présence aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à Thomas qui va nous présenter la suite du programme. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir organisé ce rassemblement. On est très heureux et heureuses d'être là. Tu veux saluer ? Bonjour, bonjour et merci. Merci à vous. Et on va vous jouer d'abord une chanson en djoula, qui est une langue qu'on parle en Afrique de l'Ouest, qui est la langue de Sina. Et on va vous jouer Djomaya. Et Djom, c'est l'esclave en fait, c'est celui qu'on méprise, c'est celui qu'on rabaisse tout le temps. Et la chanson dit qu'il faut se méfier parce qu'en fait un jour ça s'inverse et ça tourne, n'est-ce pas? Thank you. D'abord, parce que je vois que en plus la météo, aux deux lectrices qui ont accepté de lire la lettre, de le faire maintenant, puisque la lettre est en train d'être remise. Donc je vais appeler Laurence Viel et Carmela Locantore qui vont la lire en italien et en français. Al signor Mario Draghi, presidente del Consiglio dei Ministri, alla signora Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, alla signora Marta Cartabia, ministro della giustizia, come gruppi e organizzazioni della società civile, siamo rimasti disgustati dalla sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Locri a Domenico Mimmo Lucano ed esprimiamo la nostra piena solidarietà a Mimmo. La sentenza è vergognosa, è ingiusta e incarna le politiche migratorie di destra e razziste che si stanno radicando in Europa. Chiediamo al governo italiano di scagionare immediatamente Domenico Lucano e di porre fine alle sue politiche migratorie ostili. All'attention de Monsieur Mario Draghi, président du Conseil des ministres, Madame Luciana Lamorgese, ministre de l'Intérieur, Madame Marta Cartabia, ministre de la Justice. En tant que groupe et organisation de la société civile, nous avons été dégoûtés par la condamnation en première instance de Domenico Mimmo Lucano par le tribunal de Locri et nous exprimons par la présence notre entière solidarité avec lui. Il s'agit d'une sentence honteuse et injuste. Elle incarne les politiques migratoires de droite et racistes qui s'installent partout en Europe. Nous demandons au gouvernement italien et toutes les autorités concernées de disculper Domenico Lucano immédiatement, ainsi que de mettre fin aux politiques migratoires hostiles qu'il pratique. L'operato di Mimmo Lucano da sindaco è stato un esempio vissuto e tangibile di vita solidale. Ha dimostrato che inclusione, giustizia e assistenza sociale sono possibili e possono invertire l'ondata di razzismo e xenofobia. La sentenza a suo carico non riflette la giustizia, ma piuttosto brilla alla luce dei programmi politici razzisti che criminalizzano la solidarietà e fortificano le mura dell'Europa. Les actions menées par Mimo Lucano en tant que maire est un exemple vivant et tangible de vie solidaire. Elles ont démontré que l'inclusion, la justice et la prestation de services sociaux sont possibles et peuvent inverser le courant de racisme et de xénophobie. Sa condamnation ne reflète pas la justice, mais met plutôt en éclairage les programmes politiques racistes qui criminalisent la solidarité et fortifient les murs de l'Europe. Oltre 44.764 persone sono state uccise dalle politiche militarizzate ai confini della fortezza Europa dal 1993. Altre migliaia sono brutalmente criminalizzate, represse e oppresse dopo aver raggiunto l'Europa. Ogni giorno è una lotta. Gli stati membri dell'UE stanno usando tattiche violente e illegali per costringere i richiedenti asilo a tornare indietro attraverso i loro confini nell'ambito di operazioni finanziate dall'UE. Le prove raccolte da numerosi rapporti rivelano che i migranti sono stati picchiati e allontanati con spari negli ultimi mesi durante le cosiddette operazioni di respingimento condotte da uomini mascherati in Croazia, Romania e Grecia. Questo in aggiunta alle famigerate intercettazioni e respingimenti effettuati dalle cosiddette guardia costiera libica, che è finanziata dall'UE e addestrata dalla Marina italiana. Comme il pleut très fort, je propose qu'on alterne sans doubler chaque. Ça va, Thomas? Oui, je reprends la première phrase de son... Plus de 44 764 personnes sont décédées des suites des politiques militarisées menées aux frontières de la forteresse Europe depuis 1993. Les États européens ne parviennent pas à fournir des itinéraires sûrs, des abris ou autres formes d'aide aux personnes en déplacement. Ils ne réussissent pas à secourir les personnes en détresse, ni à assumer leurs propres responsabilités, tout comme leur complicité en ce qui concerne les déplacements forcés de personnes. Partout, que ce soit dans les camps, les centres d'asile ou de détention et dans la rue, les personnes en déplacement s'organisent pour protester contre les conditions inhumaines, les enfermements et les expulsions, et pour obtenir l'autorisation de rester avec des perspectives d'avenir sûres et vivables. Alors que l'Union européenne et les gouvernements européens nient toute responsabilité et s'abstiennent de respecter le droit international, les ONG, les activistes et les personnes comme Mimo interviennent et font preuve de solidarité en pratique. L'Europe sous-traite ses obligations internationales à la société civile. Queste proteste si scontrano spesso con la repressione statale di polizie. La solidarietà è spesso criminalizzata. Le navi di ricerca e salvataggio sono state confiscate e gli equipaggi sono stati arrestati, così come altre persone che sostengono le persone in movimento e intraprendono azioni contro le micidiali politiche e istituzioni europee sulle frontiere. I posti occupati per trovare riparo sono stati sgomberati, la distribuzione di cibo e aiuti ai valichi di frontiera è stata interrotta, le rivolte nei centri di asilo e di detenzione sono state represse con la violenza, le persone sono state messe in celle di isolamento, è stata negata l'assistenza medica e legale e sono state violentemente deportate. L'Europe è costruita su una storia di colonialismo, d'esclavage, d'impérialisme, d'extractivisme et d'exploitation qui se poursuit aujourd'hui. Les politiques frontalières de l'Union européenne institutionnalisent cette violence, cette injustice et cette inégalité. L'Union européenne et ses États membres doivent en assumer la responsabilité et doivent s'employer à construire des communautés et non des murs. La voie actuellement suivie ne résout aucun problème. Au contraire, elle les extériorise avec violence, comme le démontre l'étroite coopération de l'Italie et son soutien financier et matériel aux garde-côtes libyens, qui se rendent constamment coupables de violence et de répression à l'encontre des personnes en mouvement. Siamo solidali con le persone in movimento e con coloro che sostengono senza esitazione. Igni, tutti dovrebbero essere liberi di muoversi e vivere, ma nessuno dovrebbe essere costretto a muoversi. La militarizzazione delle frontiere non è la soluzione. Altre politiche migratorie sono possibili e necessarie, basate sull'analisi delle cause e della responsabilità della migrazione forzata, basate sulla solidarietà. Mimmo libero e ponete fine alle persecuzioni delle persone in movimento e di chi le sostiene. Nous sommes indéfectiblement solidaires des personnes en mouvement et de celles et ceux qui les soutiennent. Chacun, chacune devrait être libre de se déplacer et de vivre, mais personne ne devrait être forcé de se déplacer. La militarisation des frontières n'est pas la solution. D'autres politiques migratoires sont possibles et nécessaires, basées sur l'analyse des causes et des responsabilités de la migration forcée, basées sur la solidarité. Libérez Mimmo et mettez fin à la persécution des personnes en mouvement et de ceux qui les soutiennent. La solidarité ne sera jamais un crime. Tu en préfères? Ok. Donc, c'est une chanson qu'on peut chanter tous ensemble, n'est-ce pas? C'est un peu l'équivalent catalan de Bella Ciao, mais en français, les stacks. Catalan, oui. En français. Mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en écoutant passer le vent. Petite, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si tu tires, je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Et je me demande si un jour nous serons bien là. Dansant autour du vieux pieu noir, où tant de battements se sont usés. Je chante des chansons d'espoir qui parlent de de circuler librement comme on a le droit de circuler chez eux. S'il vous plaît, merci. Merci Nicole pour avoir enregistré ce son devant l'ambassade d'Italie aujourd'hui à 17h. Voilà, je vais continuer avec la deuxième action. Enfin, ce n'est pas parce qu'il faut forcément faire toutes les actions, mais voilà, j'étais là à 18h. L'histoire de Zakaria Kostopoulos, qui a été tué il y a 3 ans par 2 commerçants et 8 flics, qui a été tabassé à mort, en gros. Je dois dire que je ne connaissais pas très bien l'histoire du tout. Bon, le son était très mauvais, donc je n'ai pas gardé grand-chose. Du coup, je vais vous lire le tract, en tout cas en partie, et puis on va passer le son. C'est l'intervention de Guylaine, la vice-présidente de la maison Arc-en-Ciel ici à Bruxelles, qui est une des organisations qui soutiennent les actions en commémoration et à la recherche de justice pour Zakaria Kostopoulos. 3 ans sans justice, 3 ans de mémoire, 3 ans de lutte. Le 21 septembre a marqué les 3 ans du meurtre brutal de Zak Kostopoulos, Zakio, par 2 commerçants et 8 policiers dans le centre d'Athènes. Elle a été assassinée devant des dizaines de personnes qui n'ont rien fait pour arrêter le lynchage et empêcher la barbarie. Zak, membre fier de la communauté LGBTQI+, grec, séropositif, genderqueer, drag queen, antifasciste et militant des droits de l'homme, a été tué par tout ce contre quoi il s'est battu de son vivant. La fascisation de la société, le racisme, l'homophobie, la violence institutionnelle et l'apathie sociale. 3 ans ont passé avec le mensonge du gouvernement, la désinformation des médias et le report de la procédure judiciaire. 3 ans plus tard, tous les auteurs de son assassinat sont libres, répandant leur poison raciste, tandis que 4 des policiers n'ont toujours pas été inculpés. La justice grecque a refusé de considérer la mort de Zak comme un homicide, mais comme une blessure mortelle, limitant ainsi la responsabilité pénale des meurtriers. De plus, l'avocat de la défense des policiers n'est autre que le nouveau ministre grec de la Santé, Nikos Plevris. Cela montre à quel point le gouvernement grec de droite est partial dans cette affaire. Notre espoir de justice est aussi fort que notre énergie à nous battre pour elle, malgré les provocations du gouvernement grec et le système judiciaire défaillant. Merci beaucoup pour cet événement, puisque évidemment, comme ce qui vient d'être dit, nous soutenons la mobilisation pour Zak depuis ses débuts, puisque évidemment, son décès, on l'a dit tout à l'heure, est au croisement de plusieurs discriminations. Et je vais vous en dire un petit mot. Zaki, il y a quelques jours à peine, j'étais à Athènes, dans ta ville, chez toi. Au détour de tes rues, d'Exarchia à Kolonaki, rien ne peut te soustraire à la conscience collective. La ville crie ton nom. Sur ses murs et au travers de la voix de ceux et de celles qui t'ont connu ou qui brûlent de l'injustice qui t'a été faite. Tu t'appelais Zakarias Kostopoulos. tu étais queer, drag, antifasciste, activiste pour les droits des personnes LGBTQI+, séropositive, militante, migrante, travailleuse du sexe. Et tu étais plus que ça. Tu étais l'un des nôtres. Tu as été publiquement lynché à mort par toute l'exclusion, la violence et la haine contre laquelle chaque parcelle de toi s'était battue. 3 ans après ta mort, la colère de tes amis et de tes proches ne faiblit pas. Et tandis qu'aujourd'hui s'ouvre un procès historique, celui de ceux qui t'ont arraché la vie, la Rainbow House Brussels, Fédération des associations LGBTQI+, de la capitale de l'Europe, se range auprès de tes proches et auprès de toi. Nous appelons aujourd'hui la justice grecque à démontrer son courage, sa clairvoyance, sa capacité à protéger ses minorités et à renoncer à la facilité dans une Europe qui compte l'égalité, le respect de la dignité et des droits de l'homme dans ses valeurs fondamentales. La Rainbow House Brussels appelle aujourd'hui la Grèce, phare historique et des valeurs démocratiques, à faire la démonstration de sa justice et de son inclusion. Merci à tous. Bon, maintenant, comme promis, on va pas passer Georges Brassens, hein, c'est obligé. Il aurait eu 100 ans ce vendredi. C'est quelqu'un qui, à travers ses chansons, qui a en fait, vraiment fait un peu la propagande pour, je ne sais pas si je dois dire l'anarchisme, mais en tout cas pour une certaine culture libertaire, et, notamment dans les années 50 où en fait, l'Europe était encore bien conservative. Et il a été à la Fédération anarchiste à un moment, après la guerre, jusqu'en 48. Il a travaillé pour le monde, pour le Libertaire, c'était encore. C'est devenu après le Monde Libertaire, mais à ce moment-là, c'était le Libertaire. Mais il a toujours continué à chanter pour des concerts bénéfiques pour le Monde Libertaire ou pour la Fédération anarchiste. Il a aussi travaillé pour le journal de la CNT. Je propose qu'on va l'écouter. Là, on a 2 chansons de près. Je ne sais pas quelle sera la première. L'Hécatombe, peut-être, hein? C'est Nicole qui avait demandé ça, parce que, en fait, c'est la seule chanson où le mot anarchie est utilisé. Vive l'anarchie. Donc, il fallait forcément passer cette chanson. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves Pandores être à 2 doigts de succomber, moi je bichais car je les adore, sous la forme de Maccabée, de la mansarde où je réside. J'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ceux qui passent à sa portée. Il tombe, tombe, tombe, tombe, et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leurs victimes avaient eu leur compte en deugnon, ces furies comme outrage ultime en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. La lune s'attristait, on comprend sa tristesse, on tapait plus dedans, elle se demandait quand est-ce qu'on va se rappeler de m'enculer. Dans mon affreux jargon, carence inexplicable, brillait par son absence un des pires vocables. C'est enculé, lacune comblée. Lâcher ce terme bas, Dieu sait ce qu'il m'en coûte. La chose ne me gêne pas, mais le mot me dégoûte. J'suis désolé de dire enculé. Oui, mais depuis qu'Adam se fit charmer par Ève, l'éternel féminin nous emmerde et je rêve parfois d'aller me faire enculer. Sous les coups de boutoir des ligues féministes, la moitié des messieurs brûle d'être nanistes, l'autre d'aller se faire enculer. À force d'être en but au tir des suffragettes, en son fort intérieur, chacun de nous projette dès là s'aller se faire enculer. Quand on veut les trousser, on est un phallocrate. Quand on ne le veut point, un émule de Socrate. Reste d'aller se faire enculer. Qu'espère en coassant ces légions de grenouilles, que le royaume de France enfin tombe en quenouille, qu'on court aller se faire enculer. Y a beau jour que c'est fait, devant ces tyrannettes, on danse comme des pantins, comme des marionnettes, au lieu d'aller se faire enculer. Pompadour, Montespan, La Vallière et j'en passe, talonnèrent le roi qui marchait tête basse, souhaitant aller se faire enculer. À de rares exceptions, nom d'un chien, ce sont elles qui, toujours mine de rien, déclenchent la bagatelle. Il faut aller se faire enculer. Oui, la plupart du temps, sans aucune équivoque, en tortillant du cul, ces dames nous provoquent. Mieux vaut aller se faire enculer. Fatigués de souffrir leur long réquisitoire, ayant en vain cherché d'autres échappatoires, je vais aller me faire enculer. D'à partir de ce soir, cessant de croquer la pomme, j'embarque pour Cythère en passant par Sodome, afin d'aller me faire enculer. Afin qu'aucune de vous, mesdames, n'imagine que j'ai du parti pris, que je suis misogyne, avant d'aller me faire enculer. J'avoue publiquement que vous êtes nos égales, qu'il faut valider ça dans une formule légale. J'suis enculé, mais régulier. En vertu de quel pouvoir, injuste que nous sommes, vous refuse-t-on les droits que l'on accorde aux hommes, comme d'aller se faire enculer. Grazie, grazie, troppo buono. È una canzone filosofico-esistenziale, che non so qui, ma da noi è utile farle di questi tempi di incursioni cardinalizie e papaline nel Parlamento e nella politica italiana, oltre nella magistratura. Excusez-nous, on a eu un petit couac avec un fichier qu'on avait téléchargé, une chanson de Georges Brassens. Et puis il y a un monsieur qui parle en italien, peut-être qu'il c'est vraiment bien ce qu'il dit, mais on n'est pas tout à fait sûr, donc on a coupé le son. Mais voilà, donc la deuxième chanson de Georges Brassens, Aller se faire enculer. C'est un classique, elle est un classique un peu moins connu que d'autres. Mais voilà, mais ça fait toujours du bien d'écouter ça. Puisqu'on n'a pas vraiment d'autres chansons maintenant, Georges Brassens, je pense qu'on ne va pas prendre de risques maintenant d'avoir des cours en russe ou en allemand. sans savoir qui c'est, qu'est-ce qu'ils disent. Écoutez, je vous propose d'écouter l'agenda militant qui a été préparé par Gwendoline. Elle fait ça très bien. J'ai chipoté un tout petit peu là-dedans, mais je pense que ça va très bien se passer. Oups. C'était quoi ça? Ah oui, c'est vrai, ça commence avec une petite musique, hein, donc c'est normal hein, si tu entends de la musique au début de l'agenda. C'est le mauvais bouton. Ah, c'était le mauvais bouton, ok. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne écoute avec l'agenda militant de Gwendoline. Non, c'est toujours pas ça? Agenda militante, bxl.indymedia.org. Jeudi 21 octobre, de 11h à 16h, Désobéi Tour en marche sur le système. Rendez-vous Port d'Halle, sortie de métro, hôpital Saint-Pierre, rue Hollène. À l'occasion de l'arrivée de la délégation des zapatistes à Bruxelles, Quinoa vous repropose son Désobéi Tour après le succès de sa première édition, cette fois-ci à pied. Cette étape pour découvrir 21 symboles de lutte sociale antiraciste, féministe, LGBTQIA+, environnementale, qui ont émergé entre le passé et le présent dans notre ville. Pour ce deuxième tour, nous serons accompagnés des membres de la délégation zapatiste en Belgique cet automne. Ils nous donneront un éclairage sur leur réalité en lien avec la thématique abordée durant la balade. Rejoins-nous en marche sur le système avec les zapatistes. À midi, un bon repas à partager à Rainbow House, salle Marsha P. Johnson, apporte de quoi manger. Jeudi 21 octobre à 18h, formation à l'Antipup. Lieu Barabara, rue Barra 142, Anderlecht. Sale temps pour la publicité à Bruxelles. Tout le monde la déteste et ses jours sont comptés. Durant le mois de novembre, les ZAP Games, un jeu d'action subversion, s'attaqueront à elle. Pendant les deux semaines précédant le Black Friday, plusieurs équipes agiront chacune à leur manière contre la publicité et son monde. Pour plus d'infos, regardez sur le site zapgames.net. En attendant, viens te former à Antipub pour être prêt. Viens avec ton équipe ou seul pour rencontrer les futurs partenaires. Jeudi 21 octobre, Boom Café, rue Plettings numéro 7, de 18h à 20h. Jeudi 21 octobre à 20h. Solidarité féministe avec la Palestine. Rendez-vous à l'occupation La Forche, rue de La Forche 26 à Saint-Gilles. Dans le cadre de la semaine palestine de Zone Midi, La Forche t'invite le jeudi 21 octobre à la projection du documentaire féministe et engagé contre l'occupation. Derrière les fronts, résistance et résilience en Palestine. Ce film a un acte d'amour et de politique qui revitalise le genre et lutte contre les oppressions. Il y a le site derrière les fronts, film.fr. Ensuite, on organise un atelier d'écriture de lettres pour la prisonnière féministe palestine, palestinienne Kitam Safin. Elle est une défendeuse internationale réputée des droits des personnes sexisées palestiniennes et de la liberté et justice du peuple palestinien. Les places sont limitées à 60 personnes, venez nombreuses. Il y a aussi un lien vers l'événement Facebook et tout ça vous pouvez trouver sur bxl.indymedia.org. Samedi 23 octobre à partir de 10h. Participer à l'atelier de recherche et aider à mettre fin au commerce des armes. Le lieu, c'est le centre de communauté Gemeenschapscentrum de Krikelaar, rue Galette, 86 1030 Bruxelles, Schaerbeek. Nos gouvernements ne veulent pas savoir où la technologie des guerres belges est utilisée. Nous, si, on veut le savoir. C'est pourquoi aussi, cet automne, nous poursuivrons nos travaux de recherche collective. On fait usage des méthodes OSINT, l'Open Source Intelligence, est une technique de recherche accessible qui documente, entre autres, les conflits armés grâce à des images librement disponibles sur les médias sociaux, les blogs, les archives en ligne et tech. Que pouvez-vous attendre? Des moments de formation pour maîtriser les techniques de base de la OSINT, un cadre clair de la pertinence politique de la recherche, des moments de recherche interactifs au cours desquels vous êtes soutenu. Ensemble, nous documentons l'utilisation d'armes belges et européennes dans les zones de conflit. Nous nous efforçons d'obtenir des résultats de recherche utiles à la communication, à la travail politique et peut-être même au travail juridique. De cette façon, vous participez à une recherche qui a un impact. Inscription à mathes@vredesaxi.be. Toutes les informations introductives et les moments de formation sont en anglais. Le travail de recherche lui-même est effectué en petits groupes. L'un de ces groupes peut utiliser le français comme langue de travail. Donc tout ceci se passe samedi le 23 octobre à partir de 10h. Ce 23 octobre, rendez-vous à la gare de Bruxelles Centrale à 14h. Marchons pour nos droits et libertés. Marchons contre le Covid Safe Ticket. En s'opposant au pass sanitaire, il ne s'agit pas de s'opposer au vaccin ou à toute mesure sanitaire. Il s'agit plutôt de s'y opposer en tant que mécanisme coexercitif qui porte atteinte durablement aux droits et libertés démocratiques et partant aux intérêts des travailleurs. Moins ceux-ci ont de liberté, même formelle, moins ils disposent d'espace pour s'organiser, participer à la vie politique et lutter. On insiste, des mesures telles que le pass sanitaire ne peuvent en aucun cas être vues comme des mesures anodines, neutres politiquement ou comme de simples parenthèses. Elles sont dangereuses et doivent être combattues avec force. Ce 23 octobre, rendez-vous à la gare de Bruxelles Centrale à 14h, marchant pour nos droits et libertés, marchant contre le Covid Safe Ticket. Dimanche 24 octobre à 16h, J'aime littéraire en mixité choisie, rendez-vous à La Foudre. La Foudre est une bibliothèque queer féministe autogérée, ouverte, basée à Naast-Monnik. C'est le quai de l'industrie numéro. C'est au quai de l'industrie numéro 230 à Anderlecht. Le 24 octobre, on vous propose un jam littéraire de 16h à 21h. Ramène un texte que tu as envie de partager, que tu as écrit ou non. On fait des lectures ensemble, on s'écoute, on se lit, on boit du thé et on mange des gâteaux. Viens. Ceci est en mixité choisie, sans mec cis hétéro. Lundi 25 octobre 2021 à 14h30, permanence squat à l'assaut du vide. Rendez-vous, lieu Burtwinkel, adresse place Anessos numéro 13 à Bruxelles. À la recherche d'un toit, plus possible de payer le loyer ou tout simplement besoin d'espace, la ville gorge des bâtiments vides qui n'attendent qu'à être habités. Par où commencer? Comment repérer les abandons? Quel tour de passe pour toutes ces portes? Comment se protéger face aux propriétaires et la loi anti-squat? Question. Donc, conventionner question. Réponse à toutes vos questions à la permanence squat, un moment de rencontre et de partage d'expériences et d'outils pratiques et juridiques d'occupation. Tout le monde est également bienvenu pour prendre ou filer des infos, conseils, adresses, juste faire un coucou ou tenir la permanence avec nous. Quand, tous les lundis, de 14h30 à 17h30, ou au Burtwinkel, place Anessos numéro 13 à 1000 Bruxelles. Le contact, c'est une adresse reise.net, remplir, avec un tiret en bas, le vide à reise.net. Mercredi 27 octobre à 18h30, contre la gentrification. Présentation du livre Contre la gentrification en présence de l'auteur Mathieu Van Krikingen. Ça aura lieu à La Pompe. L'adresse est rue Royale Sainte-Marie, 185 à Skerbeek. Dans le cadre du Festival du Coucou Puissant, nous voulons nourrir une posture critique face à la gentrification. Parce que oui, bien souvent, les occupations de bâtiments vides se passent dans un moment clé de transformation d'un quartier. Mathieu Van Krikingen présentera brièvement ce qu'est la gentrification et les différentes formes qu'elle peut prendre. On explorera ensuite les différentes forces à l'œuvre dans ce processus, flux financiers, politiques publiques, action des différentes classes sociales, révalorisation symbolique, etc. L'occasion pour nous de nous interroger sur notre rôle dans ces processus et de politiser la question des squats et des occupations temporaires à Bruxelles. Voilà, et depuis lors, un autre truc est apparu dans l'agenda sur Indymedia Bruxelles. C'est aussi dans le cadre du festival Coucou Puissant, Festival du Coucou Puissant. C'est une soirée de soutien au collectif anarchiste et antispéciste 269, Libération Animale, dans le cadre du Festival du Coucou Puissant à Bruxelles. Voilà, comme j'avais dit. Il s'agit de quoi? Ce que nous aimerions vous faire découvrir durant cette table d'hôtes organisée à La Bougie, c'est un autre visage de l'antispécisme, celui d'un combat mené avec les camarades animaux contre un système de domination qui les réduit à l'état de marchandise. Ouais, c'est quelque chose qui me frappe dans leur texte, c'est qu'ils parlent notamment de complicité politique forte et efficace entre personnes animales et humaines. Je trouve ça, ouais, c'est intéressant. Donc, il s'agit donc d'une rencontre, d'un débat. Après, avec un buffet vegan à La Bougie, à la rue de La Bougie, numéro 34, à Anderlecht. C'est ce vendredi 22 octobre à 18h. Voilà. Et si vous voulez lire tout le texte, vous pouvez aller voir Indymedia Bruxelles. Je voulais en profiter aujourd'hui parce que dans mes soirées, en fait, un peu... occupé, j'ai trouvé en fait une chanson. C'est d'une chanteuse, une rappeuse afghane qui s'appelle Sonita Alizadeh. Elle a une chanson en fait contre le mariage forcé. Et je trouve que dans... Parce qu'on ne comprend pas évidemment, mais il y a une force terrible dans cette chanson qui nous fait obliger à comprendre en fait le désespoir en fait de ces mariages forcés. Et je sais que dans la chanson, à un moment donné, elle se pose la question pourquoi est-ce que sa mère en fait, qui a connu ça, pousse encore à ses propres enfants de vivre la même chose, quoi. Je trouvais ça assez fort comme chanson. Ah, super. Merci beaucoup. Besoin d'une grande vingtaine, on m'a tout coûté très chaud. Et là, je viens de voir pour la semaine prochaine qu'il y a un rassemblement très intéressant, je trouve. C'est un rassemblement contre la numérisation du social. Et voilà, ne laissons pas l'exclusion numérique exacerber l'exclusion sociale. Nous lançons un appel à mener des actions devant plusieurs services dématérialisés afin de porter la revendication principale de réouverture des guichets, mais aussi de mettre en lumière des mécanismes et des lieux concrets où la dématérialisation aboutit à la saturation du secteur social et à l'exclusion de droits. Ben, on a déjà parlé de ça à Transdanar, de ce problème. Et donc, voilà, il y a... C'est à la direction des allocations d'études de la Fédération Wallonie-Bruxelles, rue Adolphe Lavallée 1 à Molenbeek, le jeudi 28 octobre à 13h. Adolphe Lavallée, je pense que c'est près de la place Sainte-Thélette. Hein. Oui, ça doit être ça. Et ben voilà, en tout cas, vous trouvez aussi l'information sur Indymedia. Voilà, et tu avais encore un morceau pour nous, Serge. On peut toujours passer un autre morceau de rap, en fait. Je t'entends pas. Donc on peut toujours passer un autre morceau de rap. Donc c'est un rappeur français qui s'appelle Kalune et il a repris en fait tous les slogans en fait qu'il y a dans les manifs. Bon, pas toujours de haute volée, mais quand même il a tout rassemblé en fait pour faire un morceau de rap. Ça dure quand même 13 minutes, mais je trouve ça génial d'avoir pris tous ces trucs comme ça. Soyons ingouvernables, puisqu'il y a tout pour Notre-Dame et rien pour les misérables. Rêve-toi et Marx, écologie libérale, mensonge du capital, l'argent de la fraude fiscale, on le veut pour l'hôpital. climat social en surchauffe. On n'arrête pas l'histoire avec des flashballs. Préparez vos guiboles, y'aura bientôt plus de pétrole. Si tu ne partages pas la lutte, tu partageras la défaite. Ni les femmes, ni la planète ne sont des territoires de conquête. La thune part dans les paradis fiscaux. Somos el pueblo. Le monde appartient à ceux qui se soulèvent tôt. Fâché mais pas facho, on n'a plus que l'impôt sur les eaux. Je veux voir des coquelicots, Doremi, fa sol lacrymo. Le pacifisme est l'arme des élites, mais demain s'ouvre aux pieds de biche. Il y a du sang de pauvres sur l'argent des riches. La révolution sera féministe ou ne sera pas. Rêve général, jouissez sans entrave, abat le patriarcat. Aujourd'hui chimie, demain chimio. C'était plus facile de fournir des lacrymos au CRS que des masques aux hôpitaux. Va te faire cuire un keuf, voir les flics ça m'émeute. L'ordre est la force du pouvoir, le désordre est la force du peuple. L'être contre l'avoir, les premiers casseurs sont les briseurs d'espoir. Quand l'injustice devient loi, la résistance est un devoir. On veut des super maraîchers, pas des supermarchés. Monsieur le président, vous pouvez compter sur nous, l'inverse reste à prouver. On en a plein d'autres, on refuse de vivre en démocrature. Eux ils ont la police et nous on a la peau dure. En ISF les hirondelles et les services publics. Pour connaître un peuple il faut écouter sa musique. On en a plein d'autres, on refuse de vivre en démocrature. Eux ils ont la police et nous on a la peau dure. En ISF les hirondelles et les services publics. Pour connaître un peuple il faut écouter sa musique. Toi ta prière, on se charge de nos ovaires. Viens on sème, pour un peu d'argent ils tueraient terre et mer. Le fascisme c'est la gangrène. On l'élimine ou on en crève, rendez la vaisselle. Pour la douleur et le sang, on a déjà nos règles. Ça va partir en ratatouille, on ne viole jamais par amour. Le féminisme ne tue personne, mais le machisme tue tous les jours. La vie est trop courte pour s'épiler la chatte. Soyons sauvages, tout de suite, le reste plus tard. Sous les gilets la rage. L'histoire s'écrit dans la rue, ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner. Mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Justice pour Adama, la France est une ZAD, voleur, pilleur d'état. Les combats perdus sont aussi ceux que l'on ne mène pas. La misère n'a pas de couleur, gilet jaune, planète bleue. Le capitalisme ne s'effondrera pas tout seul. Aidons-le, 1-3, 1-2, Noël n'aura pas lieu. Le gouvernement nous pisse dessus et les médias disent qu'il pleut. Pas de justice climatique sans justice sociale. C'est la lutte finale, le peuple est monté à la capitale. Abeilles en danger, apiculteurs en colère, ça va piquer. Mais on s'en fout parce qu'à la fin, on sait que c'est nous qu'on va gagner. Ma colère est plus grande que ta teub. Travail, consomme et ferme ta gueule. Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. C'est parce que nous lui souffrons qu'ils nous crèvent les yeux. Si le travail était une bonne chose, les riches le garderaient pour eux. Je préfère la liberté dangereuse à l'esclavage paisible. Une société pour la vie et surtout pas pour leur profit. La planète, ma chatte, protéger les zones humides. J'existe aussi, cagnotte litchi pour Patrick Balkany. Les mauvais jours finiront, ils ont le chiffre, on a le nombre. Sois le changement que tu veux toi-même voir en ce monde. Suicide, démission, agression, hôpital en dépression. C'est une révolte. Non, sûr, c'est une révolution. Demain il sera trop tard, non pas Saran, ni oubli ni pardon. Casse ta mère en prison, Karl Marx avait raison. Ni gauche, ni droite, ni trop glycérine. Risque de troubles à l'ordre public. Gaulois réfractaire au changement climatique. Fin du monde, fin du mois, c'est le même combat. Si vous ne vous levez pas pour quelque chose, vous tomberez pour n'importe quoi. Indignez-vous, quand je serai grand, je voudrais être vivant. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Je suis Rémi Fraisse, justice pour les victimes des violences policières. On combat pas l'obscurité, non, on met la lumière. Résister se conjugue toujours au présent. Ils pourront couper toutes les fleurs, ils n'empêcheront pas la venue du printemps. Élus, vous rendrez des comptes, les toilettes sèches vaincront. Gare à la revanche quand les pauvres s'y mettront, les asthmatiques se vengeront. Les dinosaures aussi pensaient qu'ils avaient le temps. Vous, vous êtes à court d'excuses, nous sommes à court de slogans. On en a plein d'autres, on refuse de vivre en démocrature. Eux ils ont la police et nous on a la peau dure. En ISF les hirondelles et les services publics. Pour connaître un peuple il faut écouter sa musique. On en a plein d'autres, on refuse de vivre en démocrature. Eux ils ont la police et nous on a la peau dure. En ISF les hirondelles et les services publics. Pour connaître un peuple il faut écouter. c'est sa musique. Le monde est beau grâce à toi, camarade. Halte à la répression d'État. Blouse blanche, colère noire. Si tu me blesses, qui te soignera? De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Gréver, c'est rêver grave. On se lève et on se barre, on veut jouir de nos droits. Emmanu, entends-tu la révolte qui souffle? Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. Nous sommes tous des casseurs pour une France black blocker. Le capitalisme, c'est donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure. N'attends plus rien des lendemains qu'on te réserve. Tout casser, tout refaire. Qui a tué Steve? Qui a tué Zineb? Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Occupez-vous de votre terre comme vous vous occupez de vos élections. Nos luttes ont construit nos droits, nos résignations les détruiront. Regarde ta Rolex, c'est l'heure de la révolution. Ni Dieu ni mec, grève générale insurrectionnelle. Sorcière en colère, ok boomer et la tendresse bordel. Un autre monde est possible, je suis pas une fille fossile. Travail, famine, patrie, décroissance ou chocolatine. Veuillez laisser l'État dans les toilettes où vous l'avez trouvé. Stop à l'assiste, à la des riches, Pamela m'a radicalisé. Tout est possible, la retraite avant l'arthrite. Si on avait voulu se faire baiser par le gouvernement, on aurait élu Brad Pitt, masqué mais pas muselé. On compte les morts, l'État compte les sous. Fallait-il donc une pandémie pour vous soucier de nous? Les flics d'une si jolie réforme. Pas de nature, pas de futur. Mon choix, mon utérus. Sauver l'Aquarius, les hommes tuent plus que le coronavirus. L'État matraque la liberté. Désobéir et réinventer. Créer, c'est résister. Hasta la victoria siempre. L'espoir se mesure au combat. Ne vivons plus comme des esclaves. Mettre un banquier à la tête de l'État, c'est mettre un alcoolique à la cave. Pour eux des couilles en or, pour nous des nouilles encore. Nos désirs sont des ordres. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Libertaire, égalitaire, fraternitaire. En marche ou crève, je ne me plains pas, non. Je hurle ma colère. J'adore mon métier, mais je déteste mon salaire. Nous sommes ces lucioles, éclairant d'espoir un monde crépusculaire. La police nous protège, l'esclavage c'est moins cher. Ni Dieu ni maître, alors je t'en supplie, arrête de niquer ta mère. Pensez le changement, au lieu de changer le pansement. Le plastique dans les Kardashians, pas dans les océans. Nos casseurs ont du talent, 5 ans, Clément toujours présent. La police doucement, si on fait ça c'est pour vos enfants. La cup est pleine, ça va saigner, mon assistance. Sa planète en danger. Si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. Mieux vaut être en garde à vue qu'au garde à vous. Fin du mois, début du nous. La retraite, on s'en fout, on veut plus bosser du tout. Arrêtons d'être des copies conformes. Et si les pauvres sont des salauds, dans l'horloge du monde, moi, j'entends un tic-tac nouveau. Aux actes citoyens, le peuple est souverain, la rue nous appartient. Halte aux terreaux riches, faites l'amour, pas les magasins. La police déteste tout le monde déteste la police. Les putes vous font dire que les flics ne sont pas leurs fils. Ni sages, ni dociles, le sexisme est partout. Nous aussi, nous ne voulons pas du pain, non, nous voulons la boulangerie. Celui et celle qui ne bouge pas ne peut sentir ses chaînes, nos poches sont vides, leurs caisses sont pleines. Référendum d'initiative citoyenne, ni dupes ni soumises. La nuit, tous les drapeaux sont gris. Moins de banquiers, plus de banquises. Le black bloc colore nos vies. Nous sommes des bandes réfléchissantes. Alors, vous la voulez comment, votre retraite? À point ou bien saignante? Le peuple a soif de justice, liberté pour la Palestine. Le pouvoir est maudit, soutien aux familles des vitrines. J'accuse la culture du viol, tout le monde veut la retraite des flics. Je suis en CM2 mais bientôt, je serai en 6ème République. Leur futur n'a pas d'avenir, quand tout sera privé, on sera privé de tout. Ne vous suicidez pas, non, rejoignez-nous. Augmentez les salaires et pas les actionnaires. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais plutôt ce que nous allons en faire. travailler moins pour vivre mieux. On veut du bonheur, ne sois plus guidé par la peur, mais par l'amour d'un monde meilleur. On en a plein le dos, on refuse de vivre en démocratie. Eux ils ont la police et nous on a la peau dure. En l'ISF, les hirondelles et les services publics. Pour connaître un peuple, il faut écouter sa musique. On en a plein le dos, on refuse de vivre en démocratie. Eux ils ont la police et nous on a la peau dure. En l'ISF, les hirondelles et les services publics. Pour connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Franchement, c'était pas mal, cette chanson. Ça s'appelle comment ? Donc ça s'appelle « Plein le dos », évidemment, parce que c'est là souvent que les Gilets jaunes mettaient leur slogan. Et le chanteur, enfin le rappeur, c'est Calune. Calune, ah, oui. Pas mal, franchement. Voilà. Puisque la semaine prochaine, nous ne serons pas là, ce sera la Lapinothèque. Je vais quand même encore vous donner un petit rendez-vous militant. Enfin, un petit... C'est pour le vendredi 29 octobre à Mons, dans le cadre du procès Maouda. Il y aura le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel à Mons. Et donc, Mons soutient au sans-papier, hein, le groupe qui organise beaucoup autour de ce procès, fait appel à un rassemblement donc, le vendredi 29 octobre de 8h30 à 11h au palais de justice de Mons. Voilà, ça sera un moment important, je pense. Voilà, c'est tout ce que je vois pour l'instant, pour l'agenda en tout cas. C'était un peu une émission improvisée aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Et ben voilà. Donc, si toi tu n'as plus rien, Serge, je vais dire au revoir. Non, plus rien de... Ok, ben ça marche. Ben écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bonne soirée et à la prochaine.